Les amours du chevalier de Faublas par Louvet de Couvray. Deuxième partie, chapitre 9e. Le lendemain, Jasmin et moi nous étions à 8 heures précises à la porte de Boulogne. J'avais l'amazone anglaise et le chapeau de castor blanc. Les paysans s'arrêtaient pour me regarder. Les uns s'écriaient « Voilà une jolie femme !»« Cette anglaise se tient bien à cheval !» disaient les autres. Et mon petit amour-propre était flatté de ces exclamations fréquentes. Le vicomte de Florville ne se fit pas longtemps attendre. Il montait un très joli cheval qu'il maniait avec plus de grâce que de vigueur. « Belle demoiselle, nous allons, si bon vous semble, déjeuner à Saint-Cloud. »« Très volontiers, monsieur, mais où descendrons-nous? Dans une auberge ?»« Non, non, mon bon ami. »« Comment, votre bon ami ?»« Oubliez-vous, monsieur, que vous parlez à mademoiselle du Portail ?»« Oui, mon ami, je l'oubliais. » Et même, je ne songeais pas que je suis aujourd'hui le vicomte de Florville. Moi, un jeune étourdi, et vous, une jeune folle. Faublas, ne trouvez-vous pas cela singulier? Très singulier. Mais enfin, vous voilà pour toute la journée le vicomte de Florville et moi, mademoiselle du Portail. Souvenons-nous-en bien. Celui des deux qui se trompera donnera un baiser à l'autre. J'y consens, monsieur le vicomte. Quand nous arrivâmes à Saint-Cloud, nous ne devions mutuellement 50 baisers au moins. À une portée de fusil du pont, le vicomte m'invita à mettre pied à terre. Nous entrâmes dans une maison petite et jolie où je ne vis personne. Il n'y avait qu'un premier étage. L'appartement que le vicomte m'ouvrit me parut encore plus commode qu'élégant. « Pardon, mademoiselle, mais il faut que je fasse mettre les chevaux à l'écurie. » Il remonta l'instant d'après et m'apprit qu'il avait ordonné à Jasmin d'aller déjeuner de son côté et de revenir nous prendre dans 1 heure. Ensuite, il me montra dans une armoire des viandes froides, quelques desserts et du bon vin. « Mademoiselle, nous ferons chair maigre, mais au moins nos gens ne nous troubleront pas. »« Fort bien, vicomte, commençons par payer nos amendes. »« Fi donc, une demoiselle, que dites-vous là ?»« Moi, je veux d'abord manger un morceau. » Le vicomte de Florville, un peu petite maîtresse, suça un aileron. Mademoiselle du Portail, fort mal élevée, mangea comme un clerc de procureur. Ces amendes qu'il fallait acquitter me tracassaient. Je voulus donner un baiser au vicomte. « Mademoiselle, me dit-il, c'est à moi qu'appartient l'attaque. » Il me prit par la main, me fit quitter la table et voulut m'embrasser. Je le repoussai vivement. « Monsieur, laissez-moi, vous êtes un impertinent !» Le vicomte, plus obstiné qu'entreprenant, semblait vouloir ne dérober qu'un baiser et riait beaucoup de la résistance qu'on lui opposait. Apparemment plus accoutumé à résister qu'à poursuivre, il déployait dans l'attaque beaucoup d'adresse et peu de vigueur. Mademoiselle du Portail, au contraire, renversant tous les usages reçus, mettait dans la défense peu de grâce et beaucoup de force. Le vicomte, bientôt épuisé, se laissa tomber sur son canapé. « C'est un dragon que cette fille-là. Il faudrait un Hercule pour la subjuguer. Que la nature est sage. Elle a fait des autres femmes douces et faibles. Je vois bien que tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Allons. » Que tout rentre dans l'ordre. Maligne demoiselle, apaisez-vous. Je ne suis plus que la marquise de B. Le comte de Florville vous cède tous ses droits. Pour cette fois, j'usai de la permission sans en abuser. Nous nous remîmes bientôt à table. Faublas, vous trouverez peut-être que j'ai de singulières fantaisies, mais je vous prie de ne pas me refuser. Le pourrais-je ? De quoi s'agit-il ? Mon bon ami, donnez-moi votre portrait. Maman, vous appelez cela une fantaisie ? C'est un désir bien naturel que je partage. Serait-ce une indiscrétion que de vous demander le vôtre ? Non, mon ami, mais c'est celui de mademoiselle du Portail que je veux. Ah, j'entends. Et c'est celui du vicomte de Florville que vous me donnerez. Précisément. Ma petite maman, je m'en occuperai dès demain. Nous verrons lequel des deux sera le plus tôt fait. Le vôtre, assurément. Vous n'êtes pas gêné, vous, Faublas. Moi, je ne pourrais donner à mon peintre que quelques moments dérobés. « Vous sentez bien que ce n'est pas à l'hôtel que cette miniature se fera. »« Où donc, maman ?»« Chez cette marchande de mode, au boudoir que vous connaissez. »« Les habits que vous me voyez, je les y laisse toujours dans une armoire dont j'ai la clé. »« Quoi ? C'est donc là que vous vous êtes habillé ce matin ?»« Sans doute, mon ami. »« Sous prétexte de prendre l'air aux Champs-Élysées, je suis sorti en robe de matin avec Justine. »« Nous nous sommes rendus chez ma marchande de mode où la métamorphose est opérée. » Une voiture de place m'a conduite chez un loueur de chevaux, et voilà comme d'une marquise on fait un vicomte. Justine a congé pour toute la journée. Elle ne doit se retrouver qu'à 7 heures chez ma marchande de mode, où j'irai reprendre ma robe. En rentrant, je dirai, sans affectation, que j'ai rencontré aux Champs-Élysées la comtesse de X. Mais je crois entendre Jasmin. Allons faire un tour de promenade, mon cher Faublas. Nous reviendrons dîner ici. » Nous remontâmes à cheval. Après de longs circuits, nous nous trouvâmes vers le midi au pont de Sèvres, que nous passâmes pour nous promener sur la grande route qui conduit à Paris. Une fort belle voiture, attelée de 4 chevaux et précédée d'un domestique bien monté, venait à nous. Le brillant équipage n'était plus qu'à 10 pas de distance, quand la marquise tourna bride et repassa le pont au galop. Je crus que son cheval l'avait emporté. Au moment où je donnais un coup d'éperon pour la suivre, je vis du fond du carrosse jeter à la portière un homme qui, m'ayant reconnu, m'appela Mademoiselle du Portail. C'était le marquis de B. Je partis ventre à terre sur les traces de la marquise qui courait à travers champs. Jasmin galopait derrière moi. Il me cria que nous étions poursuivis. Bientôt j'entendis notre ennemi, déjà bien près de nous, exciter encore l'excellent cheval qu'il montait. Je tournai bride brusquement et piquant droit vers le zélé postillon, je le saluai d'un grand coup de fouet. Jasmin, brûlant d'imiter son maître, avait déjà le bras levé. Le pauvre domestique, étonné qu'une jeune dame eût frappé aussi rudement, retenu sans doute par le respect qu'il croyait devoir à mon sexe autant qu'à mon rang, ou peut-être par l'idée d'un combat très inégal puisque Jasmin se tenait prête à me seconder. Le pauvre domestique, ne sachant s'il devait fuir ou se défendre, me regardait d'un air stupéfait. Je déterminai promptement ses résolutions par cette fière harangue, prononcée cependant d'une voix féminine. « Marot, je te coupe le visage si tu poursuis. Si tu retournes sur tes pas, voilà de quoi boire à ma santé. » Il prit mon écu, en louant à sa manière ma vigueur et ma générosité. Je le vis s'en retourner aussi vite qu'il était venu. Ainsi débarrassé de mon ennemi, je promenais mes regards au loin pour découvrir la marquise. Où elle avait beaucoup modéré la course de son cheval, où elle s'était arrêtée, car je vis qu'elle avait peu d'avance sur nous. En peu de temps, nous la joignîmes. Je lui rendis compte de la manière dont je venais de recevoir l'envoyé du marquis. « Il était temps que je partisse, » me dit-elle. « Je n'ai reconnu qu'un peu tard les chevaux et le cocher. »« Maman, mais pourquoi vous êtes-vous éloignée sans m'avertir ?»« Parce qu'il était trop tard. Nous étions serrés de trop près. Cette Amazone que le marquis connaît vous aurait trahi. J'ai voulu qu'il fût tout d'un coup sûr de son fait. » Je ne comprends pas trop la raison. Elle est pourtant bien simple. Mon ami, il importait peu que le marquis vous vît, pourvu qu'il ne me vît pas moi. J'ai senti que dès qu'il aurait reconnu Mademoiselle du Portail, il ne s'occuperait plus que d'elle. En vous laissant là, j'assurais ma fuite. Ah, bien vu. Mais que va dire de moi le marquis ? La marquise, s'approchant de moi, me dit bien bas, en souriant. Il dira que Mademoiselle du Portail est une... Il m'annoncera d'un ton capable qu'elle est effectivement dans les environs de Paris, qu'il l'a rencontrée avec ce monsieur de Faublas, et le plaisir d'avoir deviné tout cela le consolera de la petite mortification que lui cause le bonheur de son rival. Mais, ajouta-t-elle d'un ton plus réfléchi, mon tendre époux me rend bien les infidélités que je lui prête. Comment donc? Vous ne voyez pas cela? Il est parti hier au soir pour Versailles, où il ne se rend qu'aujourd'hui. Il a couché à Paris. Il m'attrape, poursuivit-elle en riant de toutes ses forces. « Il m'attrape. Au reste, mon cher Faublas, je ne me sens pas le courage de lui en vouloir. Gardez-vous bien de lui pardonner cette offense, maman. Venez vous venger à Saint-Cloud. » « À Saint-Cloud ? Non, vraiment, non. Ce serait aussi trop hasardé. Ce serait nous livrer comme des enfants. Dans ce monde-ci, M. de B est peut-être encore à Sèvres. Le pauvre La Jeunesse. Maman ? Il s'appelle La Jeunesse, ce monsieur que j'ai étrié ? Oui, mon ami. » Si c'est celui qui précédait la voiture, il s'appelle La Jeunesse. Mais puisque vous l'avez vu d'assez près pour le reconnaître, il vous a peut-être reconnu aussi. Impossible, mon ami. Cet habit de cavalier, ce chapeau rabattu sur mes yeux, non, je suis tranquille. Je présume donc que ce pauvre La Jeunesse, déjà revenu, raconte au marquis le malheureux événement de sa course. Maintenant, mon pénétrant mari commente, réfléchit, devine. Il devine, j'en suis sûr, que vous demeurez à Sèvres ou non loin de là. Je parierais que, curieux de découvrir votre retraite, il charge La Jeunesse de rôder dans les environs, de chercher, d'attendre, de s'informer, de bien examiner toutes les physionomies. Non, mon ami, ce n'est pas à Saint-Cloud qu'il faut aller. Regagnons Paris. Je ferai le moins long détour pour arriver la première chez ma marchande de mode, où vous ne tarderez pas à me venir retrouver. C'est au boudoir que nous dînerons. C'est là que vous me ferez compagnie jusqu'au retour de Justine. » À un quart d'heure de la capitale, nous nous séparâmes. La marquise, à qui je voulais donner jasmin, m'observa qu'un jeune cavalier pouvait se promener seul, mais qu'il ne serait pas décent qu'une jolie femme, surtout dans l'équipage où j'étais, ne fût pas suivie au moins d'un domestique. Madame de B entra par la grille de la conférence. Jasmin et moi, nous allâmes gagner la barrière du Roule et de là, la rue de... À la porte de la marchande mode, nous trouvâmes un petit Auvergnat qui tenait un cheval par la bride et qui remit à Jasmin un bout de papier sur lequel étaient écrits ces mots. « Jasmin reconduira mon cheval chez Madame T, loueur de chevaux, rue, de la part du vicomte de Florville. » Je ne sortis du boudoir qu'à 8 heures du soir. La marquise, toujours fidèle à ses principes économiques, me renvoya dans un état honnête qui me laissait encore l'espérance de me présenter chez Coralie d'une certaine façon. Je retournai d'abord à l'hôtel, où je me débarrassai de mon accoutrement féminin. Avant 10 heures, j'étais chez la danseuse. « Bonsoir, mon petit chevalier. Mettons-nous vite à table. »« Volontiers. Sais-tu qu'il y a plus d'une demi-heure que je t'attends pour te gronder ? Parce que... tu me traites mal. »« Chevalier, j'ai toujours un homme entre deux âges qui me paye pour être aimé. » Et un joli garçon qui m'aime sans me payer. Quelques-unes de mes camarades joignent à cela un grand laquais à large poitrine, une manière d'Hercule, qu'elle paye pour les aimer. Moi, qui n'ai pas de si grand besoin, je ne veux pas de satire. Je me contente de mon joli garçon. Eh bien, Coralie, qu'a cela de commun avec la querelle que tu veux me faire? Attends donc. Le monsieur qui paye, je l'ai. Et j'ai de bonnes raisons pour ne pas te dire son nom. « Toi, tu es le joli garçon qui m'aime, n'est-il pas vrai ?»« Après, la querelle, tu vas voir. Je t'ai pris parce que tu me plaisais, et je te quitterai quand tu ne me plairas plus. Enfin, je n'attends pas de cadeau de toi. Tu m'en fais un dont je ne veux pas. »« Quoi ? Ce cabaret de porcelaine ? Oui. Je ne le reprendrai pourtant pas. D'ailleurs, Coralie, tes arrangements ne me conviennent point. Je veux être seul et payé. » « Bon, chevalier, tu es trop jeune, et tu n'es pas assez riche. Et puis tiens, tu ferais un mauvais marché. Tu es beau, tu as de l'esprit. Eh bien, dès que tu payerais, je ne t'aimerai plus. Je ne sais pas comment cela se fait, mais voilà comme nous sommes toutes. Un billet de caisse d'escompte est pour celui qui le donne le gage d'une infidélité. Je ne te donne pas d'argent, ce n'est qu'un petit présent. Je n'en veux point. » « Je te répète que je ne le reprendrai pas. En ce cas, je le jetterai par la fenêtre, si cela t'amuse. » Nous nous disputions beaucoup lorsqu'une espèce de femme de chambre à Coralie entra d'un air effrayé et cria « C'est lui !»« C'est lui !» répéta la maîtresse. Les deux femmes me saisirent par les bras, m'entraînèrent dans la chambre à coucher, ouvrirent dans le fond de la cove une petite porte par laquelle elles me firent passer. Je me trouvais dans un couloir qui faisait le tour des appartements. Je me fâchais et je riais en même temps. L'une me tirait par les bras, l'autre me poussait par les épaules. Elles firent si bien qu'elles parvinrent à me mettre à la porte. J'allais dormir tranquillement chez moi. Le baron n'était pas rentré. Le lendemain, je fis avertir un peintre habile qui donna toute la journée à Mademoiselle du Portail. Comme il me quittait, il m'arriva une invitation de Coralie pour le soir même. La scène de la veille m'avait paru fort désagréable, mais qu'on se souvienne que je n'ai que 17 ans. À 17 ans, refusa-t-on jamais de passer une nuit avec une fille aimable? Un adolescent prétend-il qu'à ma place il aurait résisté, qu'il se montre, et s'il n'est pas malade, je lui dirai qu'il ment. L'homme le plus robuste n'est pas infatigable. Au milieu de la nuit, je m'endormis dans les bras de la danseuse, et le bruit d'une sonnette vigoureusement tirée me réveilla en sursaut à 7 heures du matin. « Je parie, s'écria Coralie, que ces deux sottes-là sont sorties en même temps et qu'elles n'ont pas pris leurs clés. Cependant, je me tue de le leur dire tous les jours. Chevalier, fais-moi le plaisir d'aller ouvrir la porte. » J'y cours en chemise et même sans pantoufles. J'ouvre, je vois un homme. Je crois me tromper, je me frotte les yeux, je regarde encore, je m'écrie. « Quoi ? Se peut-il ? Quoi ? C'est vous, mon père ? Le baron recule de surprise en me reconnaissant. Il m'adresse avec violence cette question au moins inutile. « Que faites-vous ici, monsieur » Qu'aurais-je répondu ? Je garde un profond silence. Cependant, au son d'une voix qu'elle a cru reconnaître, Coralie est accourue, aussi légèrement vêtue que moi. Mais trop pressée pour y regarder de bien près, au lieu de mettre ses pantoufles, elle a fourré ses petits pieds dans mes souliers. La nymphe, en arrivant sur le lieu de la scène, s'est pénétrée tout d'un coup des comiques effets d'une rencontre aussi inattendue. Elle admire le père, muet d'étonnement, immobile de fureur, appuyé sur la rampe de l'escalier. Elle admire le fils, presque nu, planté comme une idole au milieu de l'antichambre. Le moyen qu'une fille, naturellement folle, se contienne en pareil cas. La danseuse me jette les bras au col, elle penche sa tête sur la mienne, on croirait qu'elle m'embrasse. Elle ne fait que rire, pourtant, mais elle rit si fort que tous les voisins peuvent l'entendre. Le baron rougit et pâlit successivement. Il entre, il ferme la porte, il met les verrous, et Coralie se sauve en riant toujours. Je vole sur ses pas. Mon père se précipite en même temps que nous dans la chambre à coucher. Il fait un geste menaçant, il va briser les meubles. Je me jette sur sa canne déjà levée, je la saisis et je m'écrie « Ah, mon père, oubliez-vous que votre fils est là ?» Cette exclamation, peut-être un peu hardie, produisit tout l'effet que j'en avais attendu. Le baron, encore ému mais beaucoup plus calme, se jeta sur un fauteuil et m'ordonna de m'habiller. Coralie s'était enfermée dans son cabinet de toilette, où elle riait à son aise, et dont elle voulut bien entr'ouvrir la porte pour me rendre ma chaussure et rendre la sienne. Je fus bientôt prêt. Nous descendîmes. Le baron était venu à pied et sans domestique. Nous montâmes dans un fiacre, et quoique le trajet fût long, mon père, triste et pensif, ne dit pas un mot sur la route. Mais en arrivant à l'hôtel, il me pria de le suivre chez lui. Ce jour était un de ceux marqués pour mes visites au couvent, et comme je voyais s'écouler l'heure à laquelle Sophie m'attendait au parloir, j'essayais de prétexter quelques affaires pressantes. Mon père insista d'un ton suppliant. Nous montâmes dans son appartement. Il ordonna qu'on nous y laissât seuls, me fit asseoir, se plaça près de moi, garda quelque temps le silence et dit enfin « Faublas, oubliez pour un moment que je suis votre père et répondez-moi comme à votre ami. Avant-hier, entre 10 et 11 heures du soir, étiez-vous chez Coralie ?»« Oui, mon père. » »« C'était donc vous qui soupiez avec elle quand je suis arrivé ?»« Cela est vrai. » »« Le bruit que vous avez fait en sortant m'a donné quelques soupçons que j'ai dissimulés. » J'ai prétexté un voyage à la campagne afin de surprendre mon rival préféré. Je n'imaginais pas que ce fût le chevalier de Faublas. Monsieur le baron me ferait-il l'injure de croire que je savais qu'il y eut entre nous rivalité ? Non, mon ami, non. Je sais qu'au milieu des égarements de votre âge, vous vous êtes rarement écarté du respect que vous devez à un père qui vous aime. Je sais que vous n'êtes pas capable de me préparer de sang-froid des chagrins, des humiliations. Faublas, il me reste peu de questions à vous faire. Il y a longtemps que vous connaissez Coralie ? Depuis 4 jours. Et vous avez passé avec elle 2 nuits, mon père. 2 nuits en 4 jours, des nuits entières. Ah, jeune insensé, et comment avez-vous récompensé ses bontés ? Je ne lui ai fait qu'un très petit présent. Quoi ? Serait-ce vous qui lui aurez donné ces porcelaines de Sèvres que j'ai vues chez elle, avant-hier, je crois ? Oui, mon père. Mon ami, quand un jeune homme comme vous a le malheur d'avoir une fille de théâtre, il doit la payer plus généreusement. Restez ici, tout à l'heure je suis à vous. » Il me fit attendre assez longtemps et revint enfin tenant un papier à la main. « Tenez, Faublas, lisez. Coralie, je vous quitte, et je crois que les meubles, les bijoux, les diamants que je vous ai donnés et que je vous laisse m'acquittent assez envers vous. » Quand je finis de lire cette courte épître, mon père la cacheta. Ensuite, il me présenta une feuille de papier blanc. J'écrivis sous sa dictée. « Coralie, je vous quitte. Et comme j'évalue à 25 louis les 2 nuits que vous m'avez données, je vous laisse 3 billets de caisse de 200 francs chacun. » Mon père envoya les 2 lettres par le même commissionnaire. Je croyais tout fini, je me disposais à sortir. Le baron me pria d'attendre la réponse de Coralie. « Mon fils, me dit-il, vous voyez si je profite des leçons que vous me donnez. Pourquoi ? Moins docile que moi, vous obstinez-vous à rejeter mes conseils paternels ? Avant-hier encore, vous êtes sorti avec ces habits d'Amazone que je vous ai défendu de porter. Vous voyez tous les jours la marquise. Vous aviez Coralie en même temps. Vous en avez peut-être une autre que je ne sais pas. Soyez donc sage, ménagez votre santé. Vous ne savez pas combien il est précieux ce bien que vous prodiguez. Faublas, vous ne manquez pas d'intelligence. Je vous connais des dispositions. Ménagez-vous dès à présent dans l'étude des belles-lettres et de la philosophie, ces ressources toutes puissantes et respectées qui embellissent l'âge mûr, abrègent la vieillesse, occupent les désœuvrements du riche, allègent les travaux du pauvre, consolent nos infortunes ou perpétuent notre bonheur. Mon ami, commencez par aller moins fréquemment chez Madame de B. Vous trouverez à cela le double avantage d'employer plus de temps à des travaux utiles et d'en donner moins à des plaisirs dangereux. Vous vous formerez le moral et vous n'épuiserez pas le physique. Quant à votre passion du couvent, je ne vous en parle pas. Je sais que sur ce point très essentiel, vous êtes déjà raisonnable. Madame Munich, à qui j'ai parlé l'un de ces jours, m'a dit qu'il y avait plus de 2 mois qu'elle ne vous avait vu. Je suis content de vous, Faublas. Que vous trompiez la marquise ou quelque autre folle, on ne saurait les plaindre d'un malheur qu'elle cherche. S'il y a, par rapport à vous, quelques inconvénients, il ne touche pas à l'honneur, mais abuser la faible innocence, je ne vous l'aurais jamais pardonné. Tandis que le baron me félicitait de mon indifférence pour mademoiselle de Pontis, j'avais peine à contenir mon impatience. Je gémissais de voir s'échapper le moment du rendez-vous. Le domestique envoyé chez la danseuse revint enfin. Coralie avait beaucoup ri au nom de Faublas. Elle remerciait le baron, et quant au chevalier, « J'accepte ce qu'il m'envoie, » avait-elle dit, « mais en vérité, il ne fallait rien pour ça. » Je remontai chez moi, désespéré d'avoir manqué ma visite au couvent. Mon peintre m'attendait pour finir le portrait, beaucoup avancé la veille. Il fallut endosser l'habit d'Amazone pour représenter Mademoiselle du Portail, et ensuite redevenir M. de Faublas pour aller dîner avec le baron. Quand je sortis de table, je trouvai chez moi la vieille femme aux écus. Elle me dit qu'Adélaïde, étonnée de ne m'avoir pas vue ce matin, envoyait savoir de mes nouvelles et me priait de passer tout à l'heure au couvent. J'y courus. Adélaïde m'amena sa bonne amie, accompagnée de Madame Munich, qui ne parut pas fâchée de me revoir après une aussi longue absence. J'en fus quitte pour plusieurs histoires fort longues que j'eus l'air d'entendre. Et comme à tout hasard il m'importait de gagner l'amitié de la gouvernante, dont je connaissais les goûts, je lui promis de lui envoyer une bouteille d'excellente eau-de-vie d'Andaille dont on m'avait fait présent. Ce jour malheureux était celui des rencontres. En sortant du parloir, je trouvai mon père qui allait y entrer. « C'est donc ainsi qu'on m'obéit, » me dit-il tout bas. « C'est donc ainsi qu'on me joue. Monsieur, je vous déclare que si vous ne renoncez pas à ce fol amour, vous me forcerez à user de rigueur. » De retour de chez moi, j'enveloppai soigneusement mon portrait qui était fini. J'appelai Jasmin, je lui recommandai de porter le lendemain de bonne heure ce petit paquet à Justine, qui le remettrait à Madame de B, et cette bouteille d'eau-de-vie d'Andaille à Madame Munich au couvent de X. Mon très exact domestique partit de bonne heure et revint tard. Il avait tant bu que je ne pus tirer de lui aucune réponse satisfaisante, mais la manière dont il avait fait sa double commission me valut, dans la soirée, un billet et un message. Un billet de Madame de B, qui, en me remerciant beaucoup de mon charmant cadeau, me demandait ce que je voulais qu'elle en fît. « Madame Dutour, je ne comprends pas ce que Madame la Marquise veut me dire. Et moi, je l'ignore. Mais elle s'expliquera sans doute demain matin chez sa marchande de mode. Ne manquez pas de vous y rendre à 8 heures précises, parce qu'à 10 heures, elle part pour Versailles. Madame Dutour, vous pouvez l'assurer que je n'y manquerai pas. » Une heure après vint une vieille dame, à qui je ne donnais jamais un petit écu sans tressaillir de joie. Elle m'apprit que Mademoiselle de Pontis, qui avait quelque chose de très pressé à me dire, me priait de venir au parloir le lendemain matin à 8 heures au plus tard. « Ah, ma bonne dame, j'aimerais mieux passer la nuit entière à la porte du couvent que de faire attendre Mademoiselle de Pontis 1/4 d'heure. » La vieille, dès qu'elle eut son argent, me tira sa petite révérence et s'en alla. « Demain, à 8 heures précises, au couvent. Demain, au boudoir, à 8 heures précises. Oh, cette fois, Madame de B, vous aurez tort. Si vous voulez que j'aille à vos rendez-vous, ne les donnez jamais aux heures que Mademoiselle de Pontis aura choisies pour les siens. Croyez-moi, N'essayez pas de soutenir la concurrence. Un regard, un seul regard de ma jolie cousine, mais plus doux, plus précieux que toutes les faveurs de la plus belle femme. D'une femme aussi belle que vous. Toutes les marquises de l'univers ne valent pas ensemble un cheveu de ma Sophie.